quel est ton secret? Pourquoi je ne suis qu'un jouet? Chaque blessure que tu portes à mon cœur disparaît en moi à jamais. Avec moi toujours tu brillais. Devant tes doux yeux, il a ri en caressant tes longs cheveux, et tu lui as pris son cœur comme à moi tu avais fait. Mais quel est ton secret? Bien d'autres gars, je le sais, souffriront parfois en secret, mais chaque gars j'attends le jour, tu découvriras l'amour.